Bonjour, je m'appelle Camille et j'ai passé des très bonnes vacances, mais par contre ça a tout changé pour moi parce que maman elle a un travail maintenant et puis que je vais chez Nounou du coup, bah, ça me change encore plus. Puis que aussi maintenant bah, je vais aller dans la classe des tout grands, puis du coup ça me change beaucoup, ça me fait tout bizarre. Mais autrement j'ai passé des très bonnes vacances et puis je suis partie en vacances en Bretagne avec mon papa pendant une semaine. Puis je suis même allée sur le Mont Saint-Michel. Je suis allée dans les boutiques. Je me suis acheté des petits souvenirs. J'ai acheté un doudou, des jumelles. Et aussi, je suis allée me promener plein à la plage. Et puis j'ai trouvé plein de coquillages. Mais par contre, j'en ai pris qu'une seule. C'est une coquille Saint-Jacques. Puis je l'ai donnée à maman. Mais par contre, il y a quelque chose qui n'était pas trop bien. Un petit peu, un tout petit moment des vacances. Donc vers la fin, un petit peu maintenant, quoi. C'est que j'ai attrapé un rhume. Ça me plaît pas trop. Mais là, c'est en train de passer. Hein. Il y a juste que je suis un petit peu en train de tousser, mais ça passe. Et pendant les vacances en Bretagne aussi, j'ai perdu ma dent. Enfin, elle est tombée, quoi. Mais sauf que le jour où on allait partir, bah, juste avant de partir, j'ai pas eu de chance, je l'ai perdue. Bon, j'ai eu la petite souris, elle est passée avant que je la perde. Hein. Mais après, je l'ai perdue. Donc, du coup, ça fait que j'avais pas de souvenir de ma dent. Vu que la petite souris m'a pas pris ma dent, même si elle m'a donné une pièce. C'est bizarre parce qu'il n'y a qu'une seule fois où elle m'a pris ma dent. Et puis maintenant, ça fait que j'ai perdu 6 dents. Et aussi en Bretagne, j'ai vu plein de coquillages fermés, puis j'ai trouvé des crabes vivants. Puis même que j'en ai pris un dans ma main. Puis c'était rigolo, ça chatouillait quand il marchait sur ma main. Et puis aussi, on a ramassé des coquillages sur la plage, on les a nettoyés dans un petit ruisseau de boue. Et puis... on les a mangés. Par contre, ils étaient pleins de sable, donc on a dû les terminer, mais c'était pas trop bon. Mais moi, j'en ai pas mangé. J'ai juste goûté les moules, mais autrement, ceux qui étaient pleins de sable, j'en ai pas mangé. Parce que j'aime pas trop les coquillages, moi. Puis, donc, le ruisseau de bouillasse, là, c'était, on s'est mis pieds nus, puis on est allé dans la bouillasse, ça nous arrivait moins jusqu'aux genoux, un petit peu, des fois. Il y avait des niveaux où ça nous arrivait jusqu'aux genoux, il y avait un peu jusqu'aux chevilles, il y avait plein de niveaux. Puis on a joué dans la boue, on a joué dans la gadouille. Enfin, c'est dire dans la gadoue. Et puis, aussi, Victor et moi, on s'est amusé. Donc, Victor, c'est mon demi-frère. On s'est amusé à enlever les algues avec les pelles et les râteaux. Donc, on a enlevé les algues, mais après, enfin, on les a enlevées, mais en fait, on les rejetait dans le ruisseau. Mais on s'en rendait même pas compte, donc, au lieu de nettoyer le ruisseau, bah, on leur salissait. Puis moi, je suis rentrée, j'étais pleine de boue. Il y avait plein de bouillasse partout dans la voiture. Mais bon, là, ce n'est pas que moi qui avais ça. Puis ma robe, par contre, son état plein de boue. Donc j'ai été obligée de me mettre en maillot de bain. En maillot de bain, comme ça, j'étais dans la gadoue, j'étais toute pleine de gadoue. J'étais obligée de me mettre toute nue, comme ça, il y avait mon maillot de bain en plein milieu de la gadoue. Et ça, c'était trop rigolo dans la gadoue. Donc après, on est allé manger au restaurant. Aussi sur le parking où on s'était garé après le restaurant, bah, on avait perdu la carte pour sortir du parking, donc du coup bah on avait très peur, et puis ça c'est un peu embêtant, mais on a mis la carte bleue dedans et ça a marché. Donc la carte bleue a marché pour la barrière du parking, mais là on a eu chaud. Puis moi j'ai pris une feuille qui était dans la voiture, bah j'ai cru que c'était la carte, j'ai confondu les choses, hein. Et puis aussi, quand on est allé dans une cathédrale et on a payé une visite, et à la visite, ils nous ont fait aller dans tous les souterrains. Puis même qu'avant, il y avait une toute petite église, et qu'ensuite, ils en ont reconstruit une deuxième par-dessus. Mais en fait, ils l'ont détruite, la deuxième. Et puis, ils en ont construit une troisième plus grosse. Et puis, et celle-là, elle était par-dessus la petite, et elle était très grosse, donc ils ne l'ont pas détruite, ça y est. C'était une bonne église. Enfin, c'était la cathédrale d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, elle est très vieille. Puis en souterrain, il y a encore les cachots, la roue où on faisait monter les prisonniers dedans. Il y a encore plein de salles. Il y a encore l'hôpital. Il y a encore plein de trucs. Puis il y a même encore les clés des donjons. Puis la petite église, c'est une souterraine maintenant. Et puis bah, on est allé la visiter. Donc, on a visité tous les souterrains, les donjons et tout le dessus de l'église. Puis elle nous a même montré une petite maquette pendant la messe. Donc on était sur les bancs pendant la messe, elle nous montrait une petite maquette. Puis ensuite, on est redescendu dans les souterrains. Mais la petite église, par contre, elle est très petite. Puis même qu'il y a une grande salle qui est très ancienne, c'est dans les souterrains. Il n'y a plus rien dedans, mais un morceau de pierre sur le mur qui est tout doux, qui est très précieux et très rare. Et puis, une fois, il y a quelqu'un qui a pris un petit bout de pierre et ça a fait une malédiction sur lui. Et le soir, il s'est retrouvé immobilisé. Donc ça, c'était il y a très longtemps. Donc on a eu le droit de la toucher. Mais après, elle nous a dit, avant de sortir de la pièce, de bien se frotter les pieds pour pas se retrouver coincé ce soir. Puis moi, la nuit, j'ai fait un petit cauchemar. J'avais cru que j'étais immobilisée. Puis du coup, j'ai fait l'immobiliser dans mon lit. Et puis on est allé visiter le cœur de l'ancienne petite église. Puis aussi, je suis allée à Saint-Malo. Là-bas, c'était encore trop bien. Tout ça, c'était en Bretagne, la cathédrale et tout. C'était quand je suis partie en vacances en Bretagne. Donc, j'en ai vu des tas de choses. Et puis, je vais bientôt arrêter. Et surtout, ce que j'ai préféré, c'est tout. Et j'ai bien raison de préférer tout parce que tout était génial. Et donc, je vous dis au revoir parce que j'arrête. À plus tard. On se dira plus. J'avais oublié de vous dire, mais aussi j'ai écouté le son de la mer dans les coquillages, ça c'était trop bien, j'ai adoré. Donc là, enfin, je vous dis au revoir.